après les infos de Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Alors les gilets jaunes pourront manifester demain à Paris. Et les Champs-Élysées seront fermés à la circulation et ouverts aux piétons. Le ministère de l'Intérieur a donné son accord. Une condition toutefois pour les manifestants, présenter une pièce d'identité, les sacs seront fouillés. Une cinquantaine d'unités de forces mobiles devraient être mobilisées, soit environ 5000 policiers et gendarmes. De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe a reçu un premier représentant du mouvement hier. Aujourd'hui, c'est une délégation qui est attendue à 14h à Matignon. À noter que la pétition lancée sur le site internet change.org pour la baisse des prix du carburant a dépassé hier le million de signatures. Les bénévoles de la Banque alimentaire, eux, craignent l'impact des gilets jaunes sur la collecte d'hiver. L'opération débute aujourd'hui. Pendant 3 jours, vous pourrez faire des dons à la sortie des caisses des supermarchés, conserves, plats préparés ou produits sans date limite de consommation, comme l'huile ou le café. Dans le reste de l'actualité, Jonathan Daval maintient sa version. Accusé du meurtre de son épouse Alexia l'an dernier, il a de nouveau évoqué hier devant le juge la thèse d'un complot familial. Interrogé pendant plus de 4 heures au tribunal de Besançon, il accuse toujours son beau-frère. Dans une semaine, il sera confronté aux proches de la jeune femme lors de 4 auditions distinctes. Le coup d'envoi du G20 aujourd'hui à Buenos Aires en Argentine. Le sommet s'annonce très tendu cette année. Le président américain Donald Trump, qui est arrivé sur place, a annulé le tête-à-tête qui était prévu avec Vladimir Poutine en raison de la crise avec l'Ukraine. En revanche, sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping est maintenue. Allez, les sports en hand, entrée en matière compliquée dans l'Euro pour les Françaises. Et oui, les Bleus ont été battus par la Russie 26-23 pour leur premier match hier soir. Elles n'ont plus vraiment droit à l'erreur pour garder leur chance d'atteindre le dernier carré. Elles devront probablement l'emporter leurs 5 prochaines rencontres dimanche. Elles ont rendez-vous avec la Slovénie. Le foot et la Ligue Europa, Bordeaux et Rennes peuvent encore se qualifier pour les 16e de finale après leur victoire hier face au Slavia Prague et à Jablonec. Et puis, toujours en foot, coup d'envoi ce soir de la 15e journée de Ligue 1 à suivre Saint-Étienne-Nantes. La météo, la perturbation d'hier va se décaler sur l'est du pays aujourd'hui. On attend de la pluie du sud-est du massif central à la région PACA. À l'ouest, le ciel sera plus variable avec le retour des éclaircies et quelques orages aux abords de la Manche. La pluie sera plus fréquente près de l'Atlantique et surtout le sud-ouest l'après-midi. Les averses concerneront particulièrement les Cévennes et le Var. Côté Mercure, les températures sont en légère baisse avec de la neige attendue dès 1200 mètres d'altitude. Comptez 6 degrés ce matin à Chalon-sur-Saône, 7 à Arras, 9 à Paris, Draguignan et Solenzara, 10 à Berne, à Bordeaux, 11 à Ouessant. L'après-midi, on attend 9 à Strasbourg et 10 à Alès. 6h02, c'est le double expresso RTL2. Bonjour Justine. Bonjour Craig, bonjour à tous. Voici un copain du matin, c'est Georges Ezra et Shotgun sur RTL2. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Georges Ezra et Shotgun sur RTL de 6h05. Grégory Hacher et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL 2. Bonjour, bonjour et bienvenue vendredi aujourd'hui. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Ça va Justine? Oui, ça va. T'es en forme? Oui, mais alors, j'ai des courbatures depuis ce matin, mais je fais pas de sport. C'est bizarre, non? Ah oui, c'est bizarre. Oui. Ouais, c'est étrange. C'est étrange. C'est du Justine Salmon. Bah, franchement, je fais rien pour avoir des courbatures. Hein. Non, je ne sais pas. C'est en tout cas, bravo. Bravo à ton corps. Comment ça va, Greg? Bah, ça va très bien. Écoute, il faut lui dire au revoir, donc on va le faire. C'est un peu dur, hein, quand même, ce matin. À qui? Bah, on va remercier le mois de novembre 2018 pour tout ce qu'il nous a offert. Bah, écoute, bye bye. Il est long, il est froid, il est pas. Chiant. Alors, on l'aime pas, lui. Hein. Non. Bah, allez, casse-toi. Et là, ça dégage. Décembre et Noël arrive. Ah, voilà, le mois de décembre dès demain. Bonjour, Jonathan O'Donnell. Bonjour, vous me gênez. Oui, bien sûr. Et décembre veut dire quoi? Calendrier de l'Avent. Ah oui, c'est vrai, ouais, on va remanger. Ouais. Bonjour à Jérémy. Bonjour, mes enfants attendent ça. Bah ah oui, bah tous les enfants et moi aussi. Hein. Ah ouais. Bah, tous les jours, depuis une semaine, elle me dit, je peux le commencer? Ah non, tu commences pas. Bonjour à Max. Bonjour l'équipe. Sur les réseaux sociaux, Anna et Clara, bonjour les filles. Bonjour. Et bonjour à Jules, évidemment, du son pop rock, Coldplay, The Killers, Tracy Chapman, l'horoscope, le winner du jour, le tube de la brosse à dents RTL 2 et l'info expresso. Pas mal, hein, c'est on est bien. Clara Luciani sera notre invitée à partir de 8h en live. Voici Counting Crows sur RTL 2. Bonjour. but we got different reasons for that. Mr. Jones dans le double expresso RTL 2 à 6h11. Allez, courage pour ce vendredi matin. Le week-end approche. Il est là au bout de ce vendredi de ce dernier jour de novembre. Et puis l'info expresso, Justine. Et si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, sachez que tout est question de géographie. Ah bon? J'ai analysé tout ça. Ah, très bien. Et puis on écoutera The Killers et Tracy Chapman. Et Coldplay. Il y en a de la star pop rock sur RTL 2. À tout de suite. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Tout à l'heure, à partir de 18h dans le Drive RTL 2, on reçoit Loïc Noté. Loïc Noté qui va chanter en direct dans notre studio, c'est tout à l'heure à partir de 18h dans le Drive. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL 2. Moi, je suis moi-même au fil et je fais tout moi-même. Le sapin, c'est moi. Faut dire que les aiguilles, c'est toute ma vie. L'année dernière, j'ai fait 4e au championnat de France de tricot de vitesse. Non, Noël, c'est moi. Et Gamme Vert. Eh oui, préparer Noël avec Gamme Vert, ça change tout. Et jusqu'au 1er décembre, Gamme Vert vous propose le sapin Nordman qualité extra 100-125 cm à 14,95€ seulement. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Les étoiles du sport, du 25 au 30 novembre à Digne. Depuis 2002, le sport français se retrouve autour du concept « Les champions d'aujourd'hui parrainent les champions de demain ». Cette année, les étoiles du sport accueillent Florent Manodou, Sarah Ouramoun, Yannick Agnel, Thibaut Pinot, aux côtés des plus grands champions du sport français. Les étoiles du sport. Le rendez-vous de tous les champions. Tous les jours, partout en France. RTL 2, le son pop rock. When you look so good. The pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out, the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as the vanishing. On va continuer en douceur. Qu'est-ce que t'en penses, Justine? Ça me va. Hein, Tracy Chapman, c'est pas mal. Classique du son pop rock. Talking about Revolution avant l'info expresso sur RTL. De bonjour. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds this way. Who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Tracy Chapman sur RTL de Talking About Revolution. L'info expresso RTL 2. Alors, tu nous parlais d'âme sœur, Justine, pour l'info expresso du jour. On va parler d'amour. Ah. Je vais vous parler de Tinder. Tinder, c'est l'application, vous savez, de rencontres. C'est le leader mondial dans 190 pays, quand même, hein, Tinder. C'est partout. Je suis arrivé trop tard. Enfin, ouais, je suis trop tard. C'était marqué trop tôt. J'étais à la bourre. Tous mes amis mariés comme toi, c'est leur grand regret. J'ai non, pas mais, connu Tinder. En vrai, c'est pas un regret. C'est juste que je trouve que ça aurait pu être marrant. Jérémy, pareil que moi. Moi, c'est un petit regret, quand même. Bah oui, c'est un petit regret. Bon, Tinder, si vous connaissez pas, on swipe à droite ou à gauche pour faire des rencontres. Enfin, à droite pour faire des rencontres d'ailleurs. À gauche, on dit non. Et donc, quelles sont les villes. Pas mal, toi, hein. je me suis renseignée, tu sais, je travaille. Ouais, quelles sont les villes dans lesquelles on sweep le plus à droite en France? Un classement vient d'être dévoilé. Donc, ça veut dire que si on sweep à droite, c'est qu'on veut. C'est que c'est de la rencontre. C'est que ça match, oui, quoi. Ça match. Donc, bon, bah, sans grande surprise, Paris. Paris arrive. Ah oui, tu commences par le numéro 1, toi. Tu bah non, fais mais pas vous un le savez. Bah non, parce que c'est pas surprenant. Paris arrive en tête du classement parce que c'est le plus grand nombre d'utilisateurs parce que la ville est c'est pas très faux. Grande. Et puis parce que les mecs à Paris, ils sweepent sans même regarder, ils s'en foutent. Ils sont là, allez, oui, on ça, enchaîne. Ça, c'est pas faux. Ouais, c'est moche, mais c'est pas faux. Donc, les deux villes qui complètent le podium, est-ce que vous voulez jouer ou pas? Bah oui, quand même. Bah Marseille. Bah non. Nantes. Lyon. Non. Bon bah vas-y, on va pas. Les deux villes qui complètent le podium, elles figurent pas parmi les plus grandes métropoles du pays. On a Toulon en 2. Ah ouais, d'accord. Et Le Havre en 3. Voilà. Ah ouais. Donc en France, 45 millions de sweeps par jour sont réalisés quand même selon Tinder. C'est pour énorme. 30 millions par toi, tu vois. C'est pas mal. N'importe quoi. Je suis pas sur Tinder, donc arrête un peu. Non mais, mais c'est qui le dernier du classement? Il y a combien de personnes dedans? Bah, le 15e, c'est Bordeaux. Ah, Greg, depuis que t'es parti, c'est la galère. Hein. Ouais, bah oui. Les gens cherchent. Cherche l'amour. Moi j'étais étudiant, moi j'allais draguer en boîte, moi j'allais dans les bars. C'était autre chose, messieurs dames, à cette époque. Voici les Killers sur RTL2. Don't blink, you might miss. Sinclair, Somebody Told Me dans le double expresso RTL 2. 6h23, on y va pour l'horoscope. Allez, médaille de bronze avec les vierges. Quelques critiques vous ont miné le moral, il ne faut pas les écouter. Balance. Courage, le week-end arrive, vous allez enfin pouvoir respirer. Et les scorpions. Essayez de vous offrir, de vous ouvrir davantage aux autres. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. Et pourquoi ne pas s'offrir en même temps, j'ai envie de vous dire. Médaille d'argent les béliers, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Pourquoi pas. Les taureaux. Cette journée s'annonce parfaite, tout simplement. Cancer. Aujourd'hui, vous êtes prêt à relever tous les défis. Lion. Vous savez faire preuve d'une grande fidélité en amitié. Les sagittaires. Vous aimez sans compter et on vous le rend bien. Capricorne. Quel charme, vous êtes irrésistible. Verseau. Vous êtes un passionné, discuter avec vous est toujours un vrai plaisir. Les poissons. Vous savez vous amuser tout en restant raisonnable, c'est un très bon point. Et médaille d'or aujourd'hui pour les gémeaux. Allez, je suis content, je suis comme un gol, je suis médaille d'or d'horoscope. Bonne humeur. Chance et rire. Sont en programme aujourd'hui, vous terminez la semaine en beauté. Pour jouer avec nous, 32-28, c'est le tube de la brosse à dents RTL2. Bruce Springsteen va venir chanter dans 20 minutes pour gagner des chèques cadeaux, cadeaux d'une valeur de 300 euros. C'est le double expresso RTL 2, tu le sais sans doute. Justine, je n'ai qu'un but dans la vie, c'est te faire plaisir. Vraiment, que tu sois but. Heureuse, c'est la seule chose, c'est l'objectif de, c'est ma destinée. Oh, voilà, t'exagères jamais. Du coup, avec Jérémy, on s'est concerté, oui. Et on s'est dit, on va t'offrir ça en musique. Puisque t'aimes Jean-Louis Aubert. Oh, vous êtes fort. En vrai, c'est surtout pour nos auditrices et nos auditeurs. Mais je passe pour toi quand même. Bah, je fais partie des auditrices et des auditeurs également. Énorme, parce que toi, t'es animatrice. Énorme. Et il y aura le winner du jour. À tout de suite sur RTL. RTL de présente Muse. Leur nouvel album, Simulation Theory. Hey, this is Muse on RTL 2, a pop rock radio. Et vous invite à leur concert à Londres. Dès que vous entendez deux titres de Muse à la suite, soyez les premiers à appeler votre radio. Transport, hôtel en plein cœur de Londres et billets pour le concert de Muse au Royal Albert Hall. RTL 2 s'occupe de tout. Muse en concert à Londres. Forcément avec RTL 2, la radio pop rock. 50 centimes la minute plus prix de l'appel. Allez, debout mon cœur. Non, papa, je suis crevée. Hier soir, j'ai encore regardé cette série. Celle que j'ai pas le droit de voir. Il y a un enfant qui se fait couper la tête. On voyait tout. C'était horrible. mais j'ai quand même tout regardé. Et ce soir, je continue. Mais tout ça, en vrai, je le dirai jamais. J'ai que 9 ans. Ce qu'ils regardent, ça nous regarde tous. Nos conseils pour les protéger sur csa.fr. Alors, projecteur full LED, caméra de recul, parc assist, 5 ans de garantie. Ça va jamais tenir dans ma haute, tout ça. Mais tout est déjà dans la Seat Arona Urban à 159 euros par mois. Ah, bah alors je vais voir ce que je peux faire. Jusqu'au 28 décembre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme SUV Seat Urban. Offre particulière pour toute commande d'une Arona Urban 95 chevaux avant le 28 décembre. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km maximum. Premier loyer de 2000 euros, puis 36 loyers de 159 euros sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Garantie constructeur jusqu'à 5 ans ou 100 000 km. Conditions sur seat.fr. Leclerc. Chérie, vendredi et samedi, 30% de remise immédiate sur tous les produits frais Danone chez Leclerc. Tous les produits frais Danone. 30% sur Actimel, Activia, Danone Diesel 119, Light and Free Danonino. Les 30 novembre et 1er décembre chez Leclerc, bénéficiez de 30% de réduction immédiate sur tous les produits frais Danone. Les super pouvoirs d'achat Leclerc, c'est de pouvoir s'offrir ses produits préférés dans ses marques préférées. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Vendredi et samedi seulement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Il est 6h30, bienvenue dans le double expresso RTL de les infos tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. De nouvelles révélations dans l'affaire Lactalis. Jusqu'à maintenant, le groupe assurait que la contamination de son lait infantile l'an dernier s'est limitée à la tour numéro 1 de son usine de Mayenne. Or, selon la Direction Générale de la Santé, deux types de salmonelles ont été retrouvés dans des produits fabriqués par la tour numéro 2. Lorsque le scandale des bébés contaminés avait été révélé il y a un an, seule une partie du site avait été fermée. Pour les associations de victimes, c'est l'ensemble de l'usine qui aurait dû l'être. La fessée, c'est fini. L'Assemblée nationale a voté cette nuit l'interdiction des tapes, gifles et violences psychologiques envers les enfants. 51 voix pour, une contre. Une interdiction symbolique qui sera simplement inscrite dans le code civil. Aucune sanction pénale n'est prévue à l'encontre des parents. Les gilets jaunes reçus aujourd'hui à Matignon. Une délégation a rendez-vous avec le Premier ministre Édouard Philippe à 14h. Parmi leurs revendications, la baisse des prix du carburant, mais aussi la revalorisation du salaire minimum à 1300 euros net ou encore la retraite à 1200 euros minimum. Et en ce qui concerne la manifestation de demain, le gouvernement a autorisé l'ouverture des Champs-Élysées aux piétons. Tous les sacs seront fouillés, les pièces d'identité réclamées. Le coup d'envoi du G20 aujourd'hui à Buenos Aires en Argentine. Le sommet s'annonce très tendu cette année. Le président américain Donald Trump, qui est arrivé sur place, a annulé le tête-à-tête qui était prévu avec Vladimir Poutine, officiellement en raison de la crise avec l'Ukraine. En revanche, sa rencontre avec son homologue chinois, elle, est maintenue. On passe au sport et en football, Bordeaux et Rennes peuvent encore y croire. Et oui, les deux clubs français peuvent encore se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa après leur victoire hier soir face au Slavia Prague et à Jablonec. De son côté, Marseille, qui était déjà éliminé de la compétition, a été battu 4-0 par Francfort. En handball, entrée en matière compliquée dans l'Euro pour les Françaises, les Bleus ont été battus par la Russie 26-23 pour leur premier match hier soir. Et puis en foot, toujours coup d'envoi ce soir de la 15e journée de Ligue 1 à 20h45, Saint-Étienne reçoit Nantes. La météo, la perturbation d'hier va se décaler sur l'est du pays ce vendredi. On attend de la pluie du sud-est du massif central à la région PACA. À l'ouest, le ciel sera plus variable avec le retour des éclaircies. Quelques orages quand même aux abords de la Manche. La pluie sera plus fréquente près de l'Atlantique et sur tout le sud-ouest. L'après-midi, les averses concerneront particulièrement les Cévennes et le Var. On attend aussi de la neige des 1200 mètres d'altitude. Les températures, elles sont en légère baisse. 7 degrés ce matin à Dinan et Fribourg, 8 à Lille et Issoire, 10 à Bastia, 12 à Biarritz, 14 à La Ciotat. Cet après-midi, on attend 5 à Pontarlier, 11 à Troyes, 12 à Paris et Cholet et 14 à Perpignan. 6h32, hello à tous, hello Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Le winner du jour, celui qui arrive est totalement ridicule. C'est un chef, un champion, une idole. Parce que les dauphins sont des rois. Seul le silence s'impose. que ce n'est plus qu'un système. Et sa police américaine. Temps à nouveau, il est en tournée en ce moment et c'est avec RTL 2, 6h36. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Alors le champion des champions. Alors, du ridicule, il, apparemment. Il est exceptionnel, il est, mais lui, ah lui c'est un petit bijou, c'est mon bébé du matin. Voilà, je le dis, j'ai trouvé sur lesrepublicain.fr, c'est.fr. Oui. Quel enfer, j'ai un rien qui sort ce matin. C'est un... Allez, par contre, il va pas, je le sens là, il Alphonse. Est en fou rire. Il va être dur ce winner, je veux le dire. Alors, allez, c'est un habitant de Hambourg en Allemagne qui a eu très très peur. Il voit un incendie, il voit le feu, il y a le feu, il y a le feu, les gars, il y a le feu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait quand bah, il y a le feu? Il appelle les pompiers. Il appelle. Mais non, il ne veut jamais être en galère avec toi. Juste, moi, il y a le feu. Bah, crions ensemble. Alors. Je crie très fort. Ok. Il crie. Bon, alors oui, ok, il crie. Non, il appelle les pompiers. Oui. Les pompiers, ils disent c'est où? Ils viennent à l'adresse. Sauf que, bah, je vais vous la faire courte. C'était pas un feu, c'était du soleil couchant qui oh se non. reflétait sur les toits des immeubles. Mais non. Si. Il a appelé les pompiers parce qu'il croyait qu'il y avait un incendie, alors que c'était tout simplement un magnifique coucher de soleil qui se reflétait sur les toits de Hambourg. Et les pompiers ont dit. Bah, c'est pas la première fois qu'on reçoit ce mais type d'appel. C'est pas possible. Bah, ceci est complètement véridique. Mais lui, un jour, il va y avoir un vrai incendie et il va venir l'admirer avec sa femme. Regarde, comme c'est beau. Et à côté de lui, il y aura Justine qui criera. Ah bah, il y a le cri, c'est normal. Quand il y a le feu, on crie. Bah oui, je crie, moi. Mais non, là. Quand j'ai peur, je crie. Il est bon, lui, hein. Il est très bon. Ah, il est bon, lui. Bah, on va vous le mettre sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Celui qui est bon aussi, c'est Bruce Springsteen. Il vient à 6h45 chanter. Vous allez pouvoir gagner 300 euros de chèques cadeaux Cadeos et des chocolats de Neuville. C'est le tube de la brosse à dents RTL2. Après One Republic, notamment, et Apologize. You need me, then you go and cut me down. Qui apologise dans le double expresso RTL2 à 6h40. Oh là là, il va y avoir un super méga combo dans quelques secondes parce que Bruce Springsteen va arriver, tout comme Bruce Springsteen. Oh là là, la rencontre. Peut-être que les deux vont se croiser. Dingue. Il n'y a que dans le double expresso que vous pouvez voir ça. Mais bien sûr, Justine. Mais il n'y a que là. On vous offre 300 euros de chèque Cadeo, c'est des chocolats de Neuville avec Bruce Springsteen et le tube de la brosse dans RTL2. 32-28, à tout de suite. RTL2 a été la première radio en France à vous jouer ce titre d'Imagine Dragons. Ce titre de Jane, vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Muse. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Pas besoin de musique. Pas besoin de comédien. Bah oui, mais moi je viens de me taper 3 heures de route là. Oh, pas besoin de studio son non plus. On a juste besoin de dire aux professionnels, les faits parlent d'eux-mêmes. Avec le nouvel Opel Combo Cargo, élu véhicule utilitaire de l'année 2019, chargé facilement 2 palettes et 1 tonne de marchandises. Et on finit comment? Très simple. Pendant les journées Opel Pro du 26 novembre au 7 décembre, profitez d'un financement à taux zéro sur 36 mois sur le nouvel Opel Combo Cargo. Offre réservée aux professionnels, si acceptation par Opel Bank. Conditions sur opel.fr. Voilà. Vos rêves de Noël deviennent déjà réalité avec Jardiland. Jusqu'au dimanche 2 décembre, le sapin Nordman coupé avec pied taille 150 cm est à seulement 14,95€. Oui, 14,95€. Et pour tout achat d'un sapin naturel, Jardiland vous offre 10€ en bon d'achat. Faites vite, c'est ce week-end chez Jardiland. Jardiland. Conditions et magasins participants sur jardiland.com. Le son pop rock RTL2 vous accompagne partout avec l'appli RTL2. Écoutez, c'est nouveau. 5 Seconds of Summer, Young Blood sur RTL2. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. Out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it. Endless like it's the last goodbye. Yeah, one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who even calling, baby? Nobody could take my place. C'est le double expresso RTL2. Jonathan Donnel sera là à 6h55 pour son top 3 de l'actu. Pour son top 3 qui chiffonne l'actu, qui la fracasse. Carrément. Le gars est violent. Ouais, ce matin, je pense qu'on va avoir du grand Donnel. Soyez là après Bruce Springsteen et Bruce Springsteen. Born in the USA sur RTL2. C'est légendaire ce qui se passe dans le double expresso RTL de Bruce Springsteen, Born in the USA. Et maintenant, voici Bruce Springsteen. RTL 2, le tube de la brosse à dents. Enfin, avant, nous allons quand même accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Greg et bonjour Justine. Coucou Stéphanie, ça va? Oui, très bien. Très contente de vous avoir. Elle est près de Bordeaux, 106-8 à Gradignan. Gradignan, Léognan, bah, c'est chez moi tout ça. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Merci d'être là. Vous faites partie d'un club de yoga et de pilates. C'est-à-dire vous prenez soin de votre corps et vous êtes capable de faire des étirements et de la muscu comme personne. Hein, voilà, les gainages et tout ça, c'est pour moi. Ah bah bravo. Oh, vous nous épatez. Hein. On va prendre exemple. Non. Bonjour Bruce Springsteen. Oh yeah, bonjour les pop rockers. Bonjour ma Stéphanie. Bonjour Bruce. Ça va la forme? Très bien. Allez, une petite musique pour vous encourager avant de commencer. C'est le double expresso. Tous les matins dans ta radio. Je me brosse les dents. Tu écoutes attentivement pour partir avec ton cadeau. Oh yeah! Et voilà. Voilà ce qui met en joie dès le matin. C'était Tata Yoyo, qu'est-ce que t'as sous ton grand chapeau? Ah non, pas du tout. C'était incroyable. Exactement, bien joué, et vous avez gagné du coup. Ah bah, je suis tellement fatigué que je ne sais pas ce que c'était. Bah quand même. Ah bah excusez-moi d'avoir une culture pop rock. Bon allez, on y va, parce que là il y a quand même un beau cadeau à gagner. 300 euros de chèque cadeau Cadeo, c'est des chocolats de Neuville. À toi Brosse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Stéphanie? Oh là là, c'est compliqué là. Ah ouais, c'est un peu le bordel, ça, on va pas se mentir. Non, c'est un groupe très connu avec Bess Ditto. Non, allez, non. Oh non. C'était Gossip, Heavy Cross. Il l'a bien fait. Il a bien fait le. Pourtant, j'ai tout donné là quand même. Bon, écoutez Stéphanie. Ah, je suis triste. Vous avez passé un bon moment parce que vous avez rencontré le mythique Bruce Springsteen et ça n'a pas de prix. C'était plus facile si tu vas à Rio finalement. Oui, c'est vrai. Bah non, regardez, mais moi je ne l'avais pas trouvé. On va quand même vous offrir un DVD. Le DVD de l'envol de Chloé pour votre petite fille. Voilà, ça sera un cadeau magnifique. Et puis on vous offre également le mug du double expresso RTL2. On vous souhaite une bonne journée, on vous embrasse. Plein de belles choses et. Qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, Stéphanie? Un double expresso. Bas sur RTL2. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL2. C'est sa passion corrigée. Et évidemment, c'est l'actu, c'est Jonathan O'Donnell tous les matins avec nous. Bonjour. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va bien? Ça va. Bonjour, moi aussi. Je suis content d'être là. Bah, je démarre aussi avec une info société. Un tronçon d'escalier de la tour Eiffel de 4,3 mètres et composé de 25 marches a été adjugé aux enchères. 169 000 euros à Paris. Wow. Ah ouais, mais c'est beau. Ouais, c'est beau, d'accord. Ah oui, enfin, c'est cher. Mais regarde, ça fait 6 760 euros la marche. Ouais. Voilà. Et moi, j'habite au 5e sans ascenseur. Chaque jour, je piétine un million. Tu vois, c'est. Finalement. Découpé, exprès. Ah oui, je vais peut-être faire ça quand même. Hein, bon. On parle santé. Selon une étude scientifique, travailler plus de 50 heures par semaine exposerait à des troubles psychiques. Aïe. Donc voilà, faites attention au surménage. Mais ne vous inquiétez pas. Hein. Ici, dans l'équipe, on n'est pas prêt de consulter un psy. Hein, je vous dis. On est bien tranquille quand même. Hein. Ces infos ne nous concernent pas. Bon, ceci est faux, évidemment. Et on termine aux États-Unis. Poursuivi par la police, un homme de 39 ans s'est réfugié au sommet d'un arbre de plus de 10 mètres de haut. Bah. Voilà. Et malheureusement, les policiers n'ont rien pu faire. Il a crié « perché ». Je ne peux pas l'attraper. Merci Jonathan. 8h55, tu restes dans l'émission. Soleil Twain, Man I Feel Like a Woman, Daryl Sweat et Muse sur RTL2. A tout de suite et bon vendredi matin. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Cette semaine, dans le Drive RTL 2, on vous offre un séjour à Tignes pour deux. En jouant avec nous à 17h30, vous partez fêter le nouvel an pop rock RTL 2 à Tignes. Une semaine avec hébergement, forfait et location matérielle. Plus la soirée du réveillon avec notre DJ RLP et ses invités. Le tout, les pieds dans la neige. Pas mal, non? Allez, à tout à l'heure. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL 2. En novembre, il y avait cette reprise de 4000 euros de tout ce qui roule pour l'achat d'une Opel Corsa avec climatisation, radio CD Bluetooth et régulateur de vitesse. Pourquoi j'y aurais cru? Je veux dire, la mort d'Elvis, j'ai pas cru. Le monsieur sur la lune, j'ai pas cru. Alors une reprise de 4000 euros, le complot quoi. Et puis l'offre est passée et depuis, bah, j'ai honte quoi. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 novembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4000 euros minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Bon, des nouvelles de Lidl? Ah, elle est toute fraîche, hein. Et il y en a 8. C'est le club des frais. 8 jolies peluches à collectionner. Des fruits et légumes trop mignons, patron. Oui, bon, tu m'en dis plus? Plus? Bah, ils prolongent l'opération jusqu'au 31 décembre. Pour 15 euros d'achat, les clients reçoivent une vignette. Et en échange de 18 vignettes plus 99 centimes, ils emportent une peluche. Moi, ma préférée, c'est le brocoli. Arrête, j'en peux plus. Ah bah, on est mal. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Modalité de l'opération disponible sur lidl.fr/club des frais. C'est déjà Noël chez Dafy. Et les remises sont magiques. Du 28 novembre au 31 décembre, jusqu'à 150 euros de remise immédiate sur toute votre hotte. Passez un super Noël chez Dafy. Dafy, la passion pro. Offre soumise à conditions non cumulables, valable dans les magasins Dafy participants. Allez, en route vers le week-end. Bonjour à tous. Et il est 7h, vous êtes sur RTL 2. Sweat, c'est Shania Twain après les infos de Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Les Gilets jaunes pourront manifester demain à Paris. Les Champs-Élysées seront fermés à la circulation, ouverts aux piétons. Le ministère de l'Intérieur a donné son accord. Une condition toutefois pour les manifestants, présenter une pièce d'identité. Les sacs seront fouillés. Une cinquantaine d'unités de force mobile devraient être mobilisées, soit environ 5000 policiers et gendarmes. De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe a reçu un premier représentant du mouvement hier. Aujourd'hui, c'est une délégation qui est attendue à Matignon à 14h. A noter que la pétition lancée sur Internet pour la baisse des prix du carburant a dépassé hier le million de signatures. Les bénévoles de la Banque alimentaire craignent l'impact des gilets jaunes sur la collecte d'hiver. L'opération débute aujourd'hui. Pendant 3 jours, vous pourrez faire des dons à la sortie des caisses des supermarchés, des conserves, des plats préparés ou des produits sans date limite de consommation comme l'huile ou le café. Jonathan Daval maintient sa version, accusé du meurtre de son épouse Alexia. Il a de nouveau évoqué hier devant le juge la thèse d'un complot familial. Interrogé pendant plus de 4 heures au tribunal de Besançon, il accuse toujours son beau-frère malgré des éléments accablants. Dans une semaine, il sera confronté aux proches de la jeune femme lors de 4 auditions distinctes. Attention à cette nouvelle arnaque. L'assurance maladie met en garde. Depuis plusieurs jours, de nombreux internautes reçoivent un mail qui les invite à remplir un formulaire pour changer de carte vitale. Il s'agit en fait de phishing ou hameçonnage. piège, une technique utilisée par les fraudeurs pour récupérer vos données bancaires. En réalité, la sécurité sociale ne demande jamais d'informations personnelles par mail. Les sports, entrée en matière compliquée à Raphaël pour les Bleus dans l'Euro féminin de hand. Eh oui, les Françaises ont été battues par la Russie 26 à 23 pour leur premier match hier soir. Dimanche, elles ont rendez-vous avec la Slovénie. Le foot et la Ligue Europa, Bordeaux et Rennes peuvent encore se qualifier pour les 16e de finale après leur victoire hier face au Slavia Prague et à Jablonec. Toujours en foot, coup d'envoi ce soir de la 15e journée de Ligue 1 à 20h45. Saint-Etienne reçoit Nantes. Et puis, l'invité du vendredi ce matin dans le double expresso, c'est Clara Luciani. Rendez-vous juste après 8h sur RTL2. Ça va être bien, ça va être trop bien. Danser. On a hâte. La météo, la perturbation d'hier va se décaler sur l'est du pays. On attend de la pluie du sud-est au massif central à la région PACA. À l'ouest, le ciel sera plus variable avec le retour des éclaircies et quelques orages aux abords de la Manche. La pluie sera plus fréquente près de l'Atlantique et surtout le sud-ouest. L'après-midi, les averses concerneront particulièrement les Cévennes et le Var. Côté mercure, les températures sont en légère baisse avec de la neige attendue dès 1200 mètres d'altitude. Comptez 7 degrés ce matin à Arras et Nancy, 8 à Rennes, 9 à Paris et Draguignan, 10 à Bordeaux, 11 à Ajaccio, 12 à Biarritz. Cet après-midi, on attend 9 à Strasbourg, 10 à Alès, 11 à Rouen et à La Rochelle. RTL 2. Let's go, girls. Twain sur RTL 2. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. Moi, quand j'entends ça, je me sens femme, je me sens forte, je me sens indestructible. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Bienvenue dans le double expresso. Bonjour à Max, notre responsable. Bonjour. Donc on vous explique pourquoi on rigole, parce que Max est arrivé déguisé. Oui. Je sais pas. C'est un peu le farfelu de la bande. Tout ça pour vous dire d'aller sur rtl2.fr, nous voir. Toujours des surprises et vous pourrez voir tout à l'heure chanter en direct Clara Luciani. Elle sera avec nous à partir de 8h. Bonjour à Jérémy qui est à la réalisation de l'émission. Bonjour. Et bonjour à Jonathan évidemment. Bonjour, Jonathan, bonjour. Bon, tout le monde est en forme, ça va Justine? Oui, bon, toi? J'ai un chiffre, on est tous pareils, sachez-le, françaises, français. Sur nous sommes 96% de foyers à avoir des pâtes sèches dans notre placard. Oh bah oui. Ah bah obligatoire. Ah bah oui, ça veut dire qu'il y a quand même 4% de gens qui n'ont pas de pâtes dans leur placard. Bah les pâtes au beurre, on sait pas quoi manger, hop. Coquillettes. Et moi je fais partie du pourcentage à n'avoir que des pâtes sèches dans mes placards. Ah oui. Ah bah ouais, comme les étudiants. Ah bah c'est ça. Hein. Rien d'autre. Bah ouais, paye-moi mieux que ça. Hein. Bah ouais. Non, ça suffit les revendications. Tu sais comment t'habiller. J'ai tenté. Voici Dire Straits, Money for Nothing dans le double expresso RTL de vous. C'est un excellent vendredi matin. Allez, courage, le week-end approche. Hero du double expresso RTL de Mark Knopfler et toute sa troupe. Dire Straits, Money for Nothing. Tiens, Muse, je les vois venir. Regardez. Bah écoutez plutôt. Deux titres de

8h16, guettez les deux titres de Muse. On vous envoie dans quelle ville, Justine, pour aller les applaudir ? À Londres. Oui, transport, hébergement, deux places de concert pour Muse. Si vous entendez deux titres de Muse à la suite. Oh, voici Muse sur RTL 2. à la suite uniquement sur RTL2. RTL2 présente Muse. Allez, nous allons rappeler tout de suite celle ou celui qui a été le plus rapide au standard jeu d'RTL2 à la diffusion de ces deux titres de Muse à la suite. De sonnerie. Oui, allô ? Samuel ? Oui, bonjour. Bonjour Samuel, je suis Grégory Hacher, je vous présente Justine Salmon. Et salut Samuel. Oui, bonjour, vous allez bien Justine ? Oui, ça va bien et vous ? Ah oui, d'ailleurs, moi je suis le camembert, quoi, complet, d'accord, c'est impeccable. Ah là, je... Bah, alors, ça Samuel. Va Justine ? Bah, allez-y, je vous en prie tous les deux. Hein, Samuel, non, mais... pourquoi vous avez appelé le 3228, dites-nous ? Eh bah, ben, parce que j'ai entendu la double de Muse avec les deux titres, et comme ma femme est fan de Muse, et ben, du coup j'ai tenté ma chance. Eh bah, ben écoutez, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, vous et votre femme, vous allez partir à Londres, les applaudis ! Ouais, super content, je vais lui faire la surprise, elle va être mais au top. Elle dort encore là ? Elle dort encore. Samuel, vous allez me la réveiller là. Samuel, non, Samuel, vous y allez avec le téléphone pendant qu'on est en direct là. Allez-y, allez. Ah là là. Allez-y. Là, Allez. Je viens de partir au travail là. Ah. Elle est pas là. Mais Samuel, on vous retire le concert. Je veux pas savoir. Oh non. Le pauvre. Transport, aller-retour, l'hébergement, une nuit pour deux personnes, deux places. C'est trop bien. Pour le concert de Muse dans cette salle mythique du Royal Albert Hall à Londres. Bravo Samuel, on est très heureux pour vous. C'est vraiment un chouette cadeau. Et vous nous envoyez des photos hein, sur l'Instagram, le Facebook et le compte Twitter du Double Expresso. Je n'y manquerai pas. Oh là là, c'est trop fort. On vous embrasse, profitez bien de Muse. Salut Samuel, et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2 ? Eh ben, c'est le Double Expresso. Le Double Expresso RTL 2. Allez, on y va pour l'horoscope de ce vendredi 30 novembre. Justine, on attaque avec les médailles de bronze et les vierges. Quelques critiques vous ont miné le moral, il ne faut pas les écouter. Les balances. Courage, le week-end arrive, vous allez enfin pouvoir respirer. Les scorpions. Essayez de vous ouvrir davantage aux autres. Les médailles d'argent avec les béliers. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Taureau. Cette journée s'annonce parfaite, tout simplement. Cancer. Aujourd'hui, vous êtes prêt à relever tous les défis. Les lions. Vous savez faire preuve d'une grande fidélité en amitié. Les sagittaires. Vous aimez sans compter et ça, on vous le rend bien. Les capricornes. Quel charme, vous êtes irrésistible. Verseau. Vous êtes un passionné, discuter avec vous est toujours un vrai plaisir. Les poissons. Vous savez vous amuser tout en restant raisonnable, c'est un très bon point. Et la médaille d'or du jour. Pour les gémeaux, aujourd'hui, ton signe, Greg, t'es content. Bonne humeur, chance et rire sont au programme aujourd'hui. Vous terminez la semaine en beauté. Ça, c'est grâce à vous. Hein. Bonne humeur, chance et rire. C'est vous qui me mettez dans cet état-là, cette équipe formidable. Et vous, auditrices et auditeurs du Double Expresso RTL2, vous aurez le droit de Charles et Eddie. Chanson du vendredi matin qui fait plaisir, ça. Woolalai to you, il y aura ma chanson du jour qui va vous faire danser. C'est une promesse. Et puis la banque RTL de 3228 à 7h45 pour gagner jusqu'à 10 000 euros. RTL2 vous invite au concert ultra complet d'Ed Sheeran. Hey there, this is Ed Sheeran. Écoutez, it's good to be on RTL2. I'm in love with your body. Dès que vous entendez deux titres d'Ed Sheeran à la suite, soyez les premiers à nous appeler au 3228. RTL2 vous a réservé le transport, l'hôtel et vos billets pour le concert à guichet fermé d'Ed Sheeran. Samedi 25 mai au Groupama Stadium à Lyon. Ed Sheeran en concert. Forcément sur RTL2. RTL2, the pop rock radio. 50 centimes la minute plus prix de l'appel. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Aïe. Ta valise arrête ? Non, une couronne. Dès aujourd'hui, les deux dorades royales de 300 grammes minimum sont à 5 euros et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 8,33€ le kilo pour les magasins équipés d'un rayon marée traditionnel, élevé en Turquie ou en Grèce selon approvisionnement en magasin. Pour les fêtes, Jules ne fait vraiment pas les choses à moitié. Encore plus de choix, plus de mode et plus d'idées cadeaux. Par contre, Jules fait les choses à moitié prix. Le deuxième suite polo, t-shirt, pull ou chemise est à moins 50%. Vous avez donc deux fois plus de raisons d'aller chez Jules. Chez Jules, les fêtes, c'est dans la boîte. Voir conditions en magasin et sur jules.com. C'est Noël dans les pubs brasseries au bureau. Rendez-vous du 1er au 24 décembre dans votre pub au bureau pour tenter de gagner chaque jour des cadeaux. Plus de 50 000 lots à gagner. Et participez au grand tirage au sort pour remporter le voyage de vos rêves d'une valeur de 20 000 euros. Vivez un Noël extraordinaire au bureau. Jeux sans obligation d'achat dans les au bureau participants. Voir conditions sur aubureau.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de préparer les fêtes avec les explorateurs de Noël Disney. En magasin et sur kiabi.com, partez en quête de cadeaux Disney. Tentez de gagner un séjour à Los Angeles et plein d'autres cadeaux pour prolonger la magie des fêtes en famille. Les explorateurs de Noël Disney chez Kiabi, du 26 novembre au 31 décembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Modalités et conditions de jeu, magasin et kiabi.com. RTL2. Histoire d'or présente un Noël magique. Je l'imagine bien faire. Waouh! Ah, j'aurais plus dit. Waouh! Non, waouh! C'est ça qu'elle dira notre petite Zoé devant son cadeau Histoire d'or. À Noël, découvrez nos collections de bijoux pour toute la famille dans nos 350 magasins et sur histoiredor.com. Histoire d'or, votre histoire en bijoux. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quant à Noël, on préférerait se retrouver sous une pile de neige plutôt que de linge sale. On propose le lave-linge Candy grande capacité 11 kg à 399 €, soit 100 € de remise. Conforama, jusqu'au 24 décembre. Magasin ouvert tous les dimanches. Conditions en magasin et sur Conforama.fr. Allez Christiane, on plie et on saute. Oui mais j'ai besoin d'une pause là pour... L'air discount, je dois filer. Aujourd'hui chez Netto, le filet de 2 kg de clémentine est à 1,39 €, soit 70 centimes le kilo. Netto, le discounter qui fait la différence. Variété clé menul, calibre 3-4, catégorie 1, origine Espagne, magasin participant sur netto.fr. 7h30, vous êtes dans le double expresso RTL 2. Les infos tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. De nouvelles révélations dans l'affaire Lactalis. Jusqu'à maintenant, le groupe assurait que la contamination de son lait infantile l'an dernier s'était limitée à la tour numéro 1 de son usine de Mayenne. Or, selon la Direction Générale de la Santé, deux types de salmonelles ont été retrouvés dans des produits fabriqués par la tour numéro 2. Lorsque le scandale des bébés contaminés avait été révélé il y a un an, seule une partie du site avait été fermée. Pour les associations de victimes, c'est l'ensemble de l'usine qui aurait dû l'être. La fessée, c'est fini. L'Assemblée a voté cette nuit l'interdiction des tapes et gifles et violences psychologiques envers les enfants. 51 voix pour, une contre, une interdiction symbolique qui sera simplement inscrite dans le Code civil. Aucune sanction pénale n'est prévue à l'encontre des parents. Les Gilets jaunes reçus aujourd'hui à Matignon. Une délégation a rendez-vous avec le Premier ministre Édouard Philippe à 14h. Parmi leurs revendications, la baisse des prix du carburant, mais aussi la revalorisation du salaire minimum à 1 300 € net ou encore la retraite à 1 200 € minimum. En ce qui concerne la manifestation de demain, le gouvernement a autorisé l'ouverture des Champs-Élysées aux piétons. Tous les sacs seront fouillés, les pièces d'identité réclamées. Le coup d'envoi du G20 aujourd'hui à Buenos Aires en Argentine. Le sommet s'annonce très tendu cette année. Le président américain Donald Trump, qui est arrivé sur place, a annulé la tête-à-tête qui était prévue avec Vladimir Poutine officiellement en raison de la crise avec l'Ukraine. En revanche, sa rencontre avec son homologue chinois est maintenue. Les sports et en football, Bordeaux et Rennes peuvent encore y croire. Les clubs français peuvent encore se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa après leur victoire hier face au Slavia Prague et à Jablonec. De son côté, Marseille, qui était déjà éliminé de la compétition, a été battue 4-0 par Francfort. En handball, entrée en matière compliquée dans l'Euro pour les Françaises. Les Bleues ont été battues par la Russie 26-23 pour leur premier match hier soir. Elles n'ont plus vraiment droit à l'erreur. Pour garder leur chance d'atteindre le dernier carré, elles devront probablement remporter leurs 5 prochaines rencontres. Dimanche, elles affrontent la Slovénie. On passe à la météo. La perturbation d'hier va se décaler sur l'est du pays aujourd'hui. On attend de la pluie du sud-est du massif central à la région PACA. À l'ouest, le ciel sera plus variable avec le retour des éclaircies. Quelques orages quand même aux abords de la Manche. La pluie sera plus fréquente près de l'Atlantique et sur tout le sud-ouest. Et l'après-midi, les averses concerneront particulièrement les Cévennes et le Var. On attend également de la neige des 1200 mètres d'altitude. Les températures, elles sont en légère baisse, mais ça reste doux pour la saison. 7 degrés à Lunéville ce matin. 8 à Lens, 9 à Angoulême, 10 à Saint-Jean-de-Luz et Bastia, 11 à Brest et Antibes. L'après-midi, on attend 10 degrés à Dijon, 11 à Bourges et 12 à Paris. Merci beaucoup. Retour des infos tout à l'heure à 8h sur RTL 2. You Sur ce tempo, bonne humeur, musique qui fait danser. RTL 2, la chanson du jour. Ah tu nous fais chanter, danser le vendredi, c'est la tradition. Mais c'est plus que la tradition, c'est une obligation. Dance, folie, apéro, soirée. Bref, c'est vendredi, on attaque dès le matin avec Daft Punk ce matin dans le double expresso RTL 2 en compagnie de Pharrell Williams. C'est la chanson Get Lucky et ce sera de l'album Random Access Memories, écrite avec Pharrell Williams et Neil Rogers. Vous avez le fondateur du groupe Chic, ce génie incroyable. Là, alors là, par contre, souvent je vous donne un classement. J'ai pas besoin de vous dire que ça a été numéro 1 partout dans le monde. Oui, là, vous le savez, ça a été absolument incroyable. Numéro 1 d'ailleurs en même pas 24 heures en termes de téléchargement. Alors, il faut savoir que pour l'anecdote, Pharrell Williams, quand il ne connaissait pas Daft Punk, il en a entendu parler où ça ? Un peu comme nous quand on fait une soirée. Lui, c'était chez Madonna. Ah, lui, normal. On est tous les chez Madonna. On lui dit, tu connais Daft Punk ? Il fait, non, tout ça. Ah ouais, ok, bon. Logique. Genre, oui, ils sont entre eux, toi. La cool. Bah, très c'est, simple, c'est ses amis, quoi. Ouais, voilà. Première présentation de la chanson Saturday Night Live. Et puis, lors des Grammy Awards 2014, ils ont chanté Pharrell Williams, Daft Punk avec Stevie Wonder. On vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL 2. Montez le son, profitez. C'est la chanson du jour sur RTL 2. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. To the sun, I'm a We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. Chantez fort en voiture là, ou quand vous êtes en train de vous préparer. Nous dans le studio, on a dansé sur cette chanson. Retrouvez ça sur les réseaux sociaux. On a fait la danse du robot comme Ross, tu sais, dans Friends. Robot dance. Vous êtes magnifique. Et allez voir sur le Instagram du Double Expresso RTL2. Je vous ai filmé tout ça, moi. To get oui, tu peux arrêter là. Ça devient très très gênant. Liquido, narcotique. Qu'est-ce que t'aimes pas quand je suis heureux? J'aime quand tu es heureux, mais j'essaye de te préserver un petit peu. Non. Et appelez-nous 3228 pour jouer au jeu de la banque. On joue dans 5 minutes sur RTL2. Ce week-end, RTL2 sort les paillettes et passe en mode glam rock. David Bowie. Kiss. Placebo. Lady Gaga. T-Rex. Queen. Tout ce week-end, dès que vous entendez un titre glam rock, envoyez par SMS RTL2 au 74 900. Et gagnez peut-être notre sélection des plus grands albums du genre. Et dimanche à 19h, Stéphanie Renouvin nous raconte la pop rock story du glam rock sur RTL2. 75 centimes plus coût du SMS. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Oh là là, je crains le pire. Ah, désolé, mais vous allez voir rouge, patron. Aujourd'hui et demain, chez Lidl, ils font la box de tomates apéro box d'un kilo à 2,99€. Moins de 3 euros le kilo de tomates apéro ? Tu me mets en boîte, là ? Ah non, en box d'un kilo, patron. Oh là là, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine Maroc. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Boulanger. Le match commence dans moins d'une minute, j'ai trop hâte. Ah ouais, moi aussi. Vas-y, allume l'ordi. Ça va, on a le temps. L'ultra portable Acer Swift 3 SF314 s'allume en quelques secondes. Commandez-le en ligne, il est prêt en une heure en magasin. Boulanger, si bien ensemble. L'Acer Swift 3 SF314 14 pouces avec processeur Intel Core i5 est à 599€ chez Boulanger. 36 centimes d'éco-participation, conditions en magasin et sur boulanger.com. Intersport. Marc a toujours le même look en hiver. Il n'ose même pas sortir de la maison. Mais cette année, Anne lui a trouvé le cadeau idéal, une doudoune Fila. À nous les sorties, les balades en forêt, les week-ends en amoureux. Du 27 novembre au 24 décembre, célébrons Noël chez Intersport. La doudoune Fila Floyd Puff est à 49,99€ au lieu de 89,99€. C'est 44% de réduction et 100% de chaleur en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Le son pop rock RTL2 à tout moment avec vous, avec l'appli RTL2. C'est nouveau, Panic at the Disco, High Hopes sur RTL2. mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high, high hopes for living, shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't have the time, but I've always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for living, didn't know how, but I've always had a feeling. I was gonna be a bad one in the beginning. Always had high, high hopes. Mama said, il y a une étude hyper étrange que vient de publier lastminute.com, fallait que je vous en parle. Si c'était la fin du monde, vous iriez où en voyage? Ah oui, déjà c'est bizarre. Bah oui. Bon, soleil. Bah, c'est les États-Unis qui arrivent en tête devant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, alors qu'évidemment, il faut venir passer un petit moment dans le double expresso, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, parce que... Sympa, pas logique. Bah, le petit déj est là en plus. Bah oui. La banque, après les quidos sur RTL2. Touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. narcotique sur RTL2 à 7h49. C'est l'heure de la banque RTL2. Il nous reste deux chances cette semaine de réussir un truc incroyable avec les coffres de la banque. Et c'est Bastien qui saute cette chance. Bonjour Bastien. Bonjour. Bonjour toute l'équipe de RTL2. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bastien, comment ça va? Bah ça va super, je suis tellement content. Et vous, comment ça va? Bah ça va, on est tellement content, Bastien. Oh, le vendredi, vous savez, on aime bien ce genre. Ah, puis vous nous manquez, ah bah moi, ça fait pareil. Plaisir d'avoir de vos nouvelles. Voilà, franchement, on se disait, il est où Bastien, tout ça? Bon, bah très bien. Je suis là pour vous. 95.3. Oui, calmez-vous quand même. Et alors Bastien, vous allez faire quoi de beau ce week-end? Racontez-nous. Alors ce week-end, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais profiter de mon fils, ouais. Déjà, de mon ami aussi. Et puis vu que je ne travaille pas ce week-end, parce que je suis amené des fois à travailler les week-ends, cette fois-ci je vais profiter, on va se balader, voilà. Trop cool. Parfait. Vous allez peut-être gagner un séjour pour deux personnes sur le domaine des Portes du Soleil, c'est pas très loin de Lyon, évidemment, vous qui aimez le ski. Super. Ça peut grimper jusqu'à 10 000 euros, des smartphones, des consoles de jeux, plein de belles choses. À vous de faire attention au coffre vide. Top chrono de minute, voici le coffre 1. Une console Nintendo Switch. Voilà. Hop. 309 euros. Je passe. Bon, alors coffre 2. Un petit déjeuner avec l'équipe du Double Expresso. Bon, il n'y aura pas mieux. Il n'y aura pas mieux. 25 000 euros vu ce qu'on mange. Je passe. Vous êtes très vexant. Coffre 3. Un séjour au ski sur le domaine des Portes du Soleil. Ah. C'est autre chose. Je prends. Pour deux personnes. 180 euros. On s'occupe des forfaits du séjour. Je prends. Sûr ? Il reste 25 secondes, Bastien. Oui, je prends. C'est allez, sûr. Bah bravo, vous partez. Ouais, ouais. Ah bah ça, il s'embête pas avec le petit bonhomme. Hein. Il fait non, je pars au ski, il y a mamie. Hop, nous on part au ski. Ouais. Bon, vous allez pouvoir annoncer ça à votre ami. Séjour pour deux personnes sur le domaine des Portes du Soleil. Hébergement, 7 nuits, 6 jours. Et puis donc les forfaits ski également. La totale. C'est chouette, ça nous fait plaisir pour vous, Bastien. Merci pour votre bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant? Merci beaucoup. 500 euros. Ah, il y avait du cash. Bon, c'est bien. Quand même aussi. Mais on peut faire le ski. Eh ben voilà, c'est gagné, ça vaut deux fois et demi plus. Donc bravo, félicitations, on vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée. Dernière banque de la semaine dans moins d'une heure, 3228 ou banque au 74 900, ruez-vous sur le téléphone. Mais Bastien, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Eh ben, Double Expresso, et merci à tous, et bonne journée. Pareil. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse.